La belle étoile par André Theuriet. Par le col de la Bournette, nous étions descendus dans les Bauges, un pays d'un charme tout pastoral et primitif que ce canton des Bauges. Les montagnes y sont vertes, de la cime à la base, avec de vastes pâturages, tendant pendant des lieues, leurs prairies en pente, encadrées dans de silencieuses forêts de sapins et de mélèzes, des ruisseaux dans leurs lits creux bordés de vernes, des balles de tous côtés et mêlent la fraîcheur de leur bouillonnement aux sonneries lointaines de la clarine des vaches éparses dans les pâtis. Parfois, les bêtes sont perchées si haut qu'on ne les distingue pas. On entend seulement les notes tintinnabulantes de la clarine pendue à leur cou, et cet tintement de clochette invisible semble la musique mystérieuse de ces intimes solitudes. Nous avions déjeuné longuement à Bellecombe, attendant à l'ombre de l'auberge que le soleil de l'après-midi fût moins brûlant, et vers 4 heures, sac au dos, nous étions décidés à escalader la pente rocailleuse qui mène au col d'Entreverne. Nous marchions plan, pour me servir de l'expression savoyarde empruntée à l'italien, piano, pian, d'où on a fait plan, et 3 bonnes heures s'écoulèrent avant que nous eussions atteint les prairies tourbeuses qui revêtent les chancrures du col. Là, on avait fait une halte. On s'était allongé sur les herbes rases et chacun avait allumé sa pipe ou sa cigarette, tandis que le soleil couchant colorait de rose les crêtes et les murailles blanches du charbon. Cette pause, agrémentée de fumeries et de causeries, nous avait paru si douce que nous l'avions prolongée jusqu'au moment où le crépuscule avait commencé à brunir le fond des vallées et où, dans le ciel couleur vert d'eau, là-bas, au-dessus des roches de Rougemont, l'étoile de Vespère nous avait averti qu'il était temps de songer à se mettre en quête d'un gîte. En même temps que Vespère, du reste, notre estomac nous stimulait. Le déjeuner de Bellecombe n'était plus qu'un vague souvenir, et nous nous demandions où nous irions souper. Chacun se remit sur ses jambes et l'on descendit allègrement à travers les pâturages humides qui dominent le val d'Entreverne. Nous avions arrêté de concert que nous souperions dans ce dernier village et que nous y passerions la nuit. Hélas, nous avions compté sans notre hôte. Après avoir longé l'unique rue, force nous fut de constater que non seulement Entreverne ne possédait pas le moindre cabaret, mais encore que personne ne se souciait de nous y donner à souper. Les gens de ce village perdu dans la montagne sont d'une sauvagerie excessive. Ils ne parlent que le patois savoyard et semblent vivre dans une respectueuse terreur des agents de la régie, ce qui les pousse à se montrer inhospitaliers, de peur d'être dénoncés au rat-de-cave comme vendant du vin en fraude. « Retournez sur vos pas jusqu'à la planche, » nous dit enfin un paysan. « Il y a là une maison où on donne à boire, et où vous pourrez peut-être coucher. » Nous voilà donc repoussant chemin en quête de ce gîte qui fuyait toujours. À l'endroit où la route s'enfonce dans les sapins, nous atteignons le hameau de la planche et nous finissons par découvrir une maison à la façade de laquelle se balançait le bouquet de genévriers symboliques. Les volets étaient clos, le cabaret semblait dormir. Nous frappons à la porte également close, et à la parfum, un volet s'entr'ouvre, montrant une tête coiffée d'un bonnet de coton bleu. « N'est-ce pas ici l'auberge ? Peut-être bien. Pouvez-vous nous donner à souper et à coucher ?» À la tremblante clarté des étoiles, l'homme au bonnet bleu nous toise en écarquillant les yeux, puis répond « Oh, nos lits ne sont pas assez bons pour des messieurs comme vous. Descendez jusqu'à la tuile. » Là-dessus, le volet se referme, et nous revoilà, tout déconvenu et maugréant, forcé d'errer à l'aventure à travers les pâturages silencieux. Tout à coup, au détour du bois de sapin, à une centaine de pas, nous entendons des tintements de clochettes et nous apercevons à travers les broussailles la rougeur d'une flamme dansante vers laquelle nous nous dirigeons. Des pâtres assis autour d'un feu de souche et de ramis veillaient là, tandis que le bétail épars se rassemblait pour passer la nuit dans un chalet ou plutôt un appentis absolument rudimentaire. Les pâtres ne craignaient ni les règlements de la régie ni l'inquisition des rats de cave, et ils nous laissèrent nous asseoir à leur feu. Ils nous offrirent même de partager leur souper, du pain, du beurre, des pommes de terre et de l'eau claire. Après avoir couru le risque d'errer à jeun toute la nuit à travers des sentiers inconnus, cette hospitalité élémentaire nous paraissait délicieuse. Le feu était réchauffant et la pelouse n'était point trop humide. Enveloppés dans nos plaides, nous nous étendons sur l'herbe moelleuse et nous dégustons notre frugal souper, qu'assaisonne l'odeur aromatique des sapins et le salubre parfum des rennes de pré épanouies au bord du ruisseau voisin. la belle nuit d'août pleine d'étoiles, si belle qu'à la contempler nous ne pensions plus à dormir. L'air était d'une entière pureté. Les astres, dans cette atmosphère limpide et transparente, semblaient avoir grossi et s'être rapprochés de notre tête. De toutes parts, les constellations s'ouvraient comme des fleurs féeriques dans le jardin de la nuit. Du côté du nord, Cassiopée ressemblait à la tige brisée d'un lys aux boutons d'argent. Un peu plus haut, la grande ourse dressait en l'air son étrange chariot. Au zénith, la couronne boréale arrondissait sa guirlande lumineuse, tandis que le bouvier au couchant et la vierge au midi paraissaient secouer les perles diamantées de leur parterre géométrique. Puis, du nord au sud, à travers ces floraisons d'astres, le chemin de Saint-Jacques avait l'air d'être semé d'une vague et laiteuse jonchée de roses blanches fraîchement tombées. À droite, à gauche, de tous les points du ciel, des étoiles filantes se détachaient du fouillis des astres étincelants, et dans leur chute, rasaient de leurs flammes errantes les crêtes des roches voisines. Parfois, du fond des bois de sapins, la plainte quasi humaine d'une chouette retentissait dans le silence et provoquait les exclamations des petits pâtres accroupis autour du feu. D'autres bruits nocturnes se mêlaient à ces mélancoliques cris d'oiseaux de nuit. Musique tremblotante des grillons, bêlement de chèvres, tintement de sonnailles, et tout au loin, le roulement sourd d'une charrette attardée ou le jappement d'un chien réveillé dans une maison isolée. Les pâtres furent longtemps avant de s'endormir. Ils s'entretenaient en patois savoyard des incidents ordinaires de leur vie peu mouvementée. De temps à autre, l'un d'eux se levait pour aller quérir des branches mortes qu'il jetait sur le foyer. Et alors la flamme se ranimait, rougeoyait et promenait des ombres énormes sur les pâtis montueux. Peu à peu, ils se sont tous assoupis et nous-mêmes, à la tiède chaleur du brasier, nous avons commencé à cligner de l'œil. C'était un demi-sommeil, à chaque instant interrompu par les pétillements de la braise et les mystérieuses rumeurs du pâturage. Chaque fois que nos yeux se rouvraient, de doux scintillements d'étoiles nous jetaient leur lueur rassurante. Les nuits d'août ne sont pas très longues. Vers 4 heures du matin, la sensation de l'aube qui blanchissait nous réveilla. Les clarines des vaches recommençaient à tinter et les pâtres étaient déjà debout. Malgré les fraîcheurs de la nuit, le ciel était resté limpide. Une à une, les étoiles pâlies s'y évanouissaient, et du côté de l'Orient, par l'échancrure du petit col qui fait communiquer la planche avec le lac d'Annecy, on apercevait très loin, revêtu d'une belle couleur bleu foncé, le roi des Alpes savoyardes, le Mont Blanc, que l'approche du soleil teignait insensiblement en rose, et qui tout à coup se découpa sur l'azur dans l'éblouissante beauté de ses aiguilles et de ses pics de neige, baigné d'une adorable lumière matinale. Ainsi s'achève, à la belle étoile, par André Theuriet.